Jazzy 95.3. I just like to call you my bitch. just like to call you my bitch, bitch. I just like to call you my bitch, bitch. I just like to call you my bitch, bitch. I just like to call you my bitch. You my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch, you my bitch. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Sur Galaxy 95.30 ou sur live.galaxyfm.com. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 février 2007 et comme tous les samedis matins, c'est Bébert qui fait le réveil sur Galaxy avec tout de suite les plaisirs de l'électronique, Electronic Pleasure avec DJ Set, et c'est 8 qu'on vous a calé pour la suite. Hit a beat of the drum, bang. Hit a beat of the drum, bang, bang. Rejoindre, c'est Galaxy, il est 8h10. I don't know what the most mysterious between the way you move all the way. That's the way it is. Just give me love, oh yeah. I won't say that I'm ready to pay the price, and I know that you're waiting for me this night. Just as long as you be here, every moment, night and day. For you I'm gonna be the man. That's who I wanna be. Yeah. Ce soir, qui sait, 8 avec Supernatural. Déjà l'heure de se faire un tout coup de promo. Et les meilleurs sons seront bien sûr de retour juste après avec The Love Beats et Take Your Time. Et Taiga avec You Gonna Want Me. A tout de suite. Samedi sur Galaxy House, 23h. Jérôme B. Tonight is not a simple night. Party house. This sound is magic. Avec Hubert. Looking for a good love, you know you're pretty hard to find.

carton 2006, Sharon avec Party All The Time. Dans quelques instants, l'agenda Galaxy, histoire de vous tenir informés des bons plans dans la région. Et dans la demi-heure qui arrive, eh bien, nous aurons quelques bonnes entrées gratos à vous offrir pour les soirées du week-end prochain. Et en attendant, côté son, bien, c'est Star Tattoo. Baby, why? Qu'est-ce que le manga? Découvrir jusqu'au 14 février, c'est à la bibliothèque municipale de Waterloo. Le 9e art fait partie intégrante de la culture nippone, la BD y est appelée manga. Depuis les années 90, ces images déferlent en Europe, Akira, Dragon Ball et bien d'autres héros qui font le bonheur des amateurs de bande dessinée. Si vous voulez des renseignements pour les heures d'ouverture, 03 20 81 66 38. Fête des associations, c'est 3 et 4 février, c'est à la salle Roger Salengro à Waterloo. L'ouverture se fera cet après-midi à partir de 14h, fermeture 18h30 et demain, ouverture de 10h à 18h. Les thèmes de cette année, les contes. Pour plus d'infos, www.ville-waterloo.fr. L'office de tourisme de Waterloo vous propose sa prochaine excursion programmée le dimanche 18 mars. Au programme de cette journée, visite de l'historial de Péronne, déjeuner, cabaret, spectacle. Transport aller-retour au départ de Waterloo. Renseignements, inscription 189 rue Carnot ou par téléphone au 03 20 75 85 86. L'Institut de soins infirmiers de la Croix-Rouge française vous propose sa journée porte ouverte le samedi 17 février dans ses locaux. Vous y trouverez informations et documentation sur les formations d'aides-soignants, auxiliaires de périculture et infirmiers. Renseignements au 03 20 25 34 03 ou au 39 rue Louis-le-Loir à Tourcoing. Nouvelle édition de Ciné-Soupe ce mardi 6 février à la Maison de l'éducation permanente de Waterloo. Placée sous le signe du partage, ses courts-métrages originaux traitent de sujets importants avec dynamisme, une dizaine au total. Programmation 03 20 75 85 86. Entrée participative au profit des Restos du Cœur. Encore plus d'infos sur www.galaxyfm.com. Fin de cet agenda Galaxy, tout de suite retour de la musique. Galaxy 95.3. commercial free. This is Galaxy. l'émission. Si tu veux ton entrée gratos pour une des soirées du week-end prochain, c'est ici que ça se passe et c'est maintenant. 03 20 83 57 57, nous jouons avec le 5e et le 10e appel. En attendant, c'est parti pour Feel Alive de Benassi Bros. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. choose life, feeling beautiful life. I see it, I'm making changes now. Open up the door and I will be here. I am here. Seems like I've been waiting, held in time. I'm aching, I'm seeing clearly now. Wipe away the tears and I will be free. Et deux cadeaux avec entre 9 et 10 Chris Lek, Télémode, David Vendetta et Commander Tom avec I Can Sleep. Galaxy, out of time, out of time. 8h-10h, Hubert, on Galaxy. I'm not afraid to feels way too long, babe. And I'll be damned if I'm gonna stick around and take any more of your You better screw down that run around loose tongue of yours, babe. Cause it's gonna get you another whole lot of trouble. apprécié de tous ici à la radio, c'est bien sûr l'un des grands potes de la station qui a fait pas mal de morceaux intéressants, notamment celui qui passe en ce moment, c'est Acid Phase avec Emmanuel Top, la suite dans un instant avec Tom Snare, c'est le nouveau juste après le petit jingle que voici. Galaxy 95.3. I'm happy to meet you. What's your name? This is my onward. Galaxy 95.3. Galaxy. Thank you. head every word that you just said, that you never let me go. Never thought inside of you that could be somebody who would be with them to show it all. Love feels so strong, I don't know what I've done. I just hope that you'll stay this true. C'est par Chris Lake et la grosse bombe que vous avez pu entendre juste avant. C'est Télémode avec What Else. Et comme d'hab, vous étiez bien sûr les proms à l'entendre. C'était sur Galaxy. 8h-10h. Uber. Sur Galaxy. On Galaxy. Thank you.

Ah mais je vous l'avais bien dit que ça faisait du bruit, hein. C'est Lacama avec Stand Up, encore une découverte Galaxy évidemment. Si vous arrivez, vous tombez pile poil, puisqu'on vous balance là tout de suite maintenant des entrées gratos valables pour les soirées du week-end prochain. Pour jouer et gagner, bien vous plongez sur votre téléphone et vous composez le numéro magique, le numéro des cadeaux, c'est le 03 20 83 57 57. Nous jouons tout de suite avec le 10e et le 15e appel. C'est parti mon kiki. Trop cool le week-end sur Galaxy. Sur Galaxy. Samedi sur Galaxy. House. 23h. Jérôme B. Tonight is not a simple night. Party house. Party house. This sound is magic. party going on. The Niffle party going on, going on, going on, going on. Jérôme B sur Galaxy. Frenchy avec Cream, c'est pas mal d'ailleurs. Hein. Si vous avez des messages à nous balancer, n'hésitez pas, le répondeur de la radio est là pour ça, c'est le 0870 245 603, 0870 245 603. Je me marre parce que enfin je le connais par cœur ce numéro, ça a mis du temps mais cette fois-ci c'est la bonne. Si vous avez des choses à nous faire savoir, vous avez également l'email de l'émission, c'est hubertgalaxy@hotmail.fr, hubertgalaxy@hotmail.fr. sur ce, très bon week-end à tous, rendez-vous samedi prochain pour la suite, c'est Jeremiah et Sound System. Je vous aurais fait le jingle en direct. Hubert. Salut. Amour.